quelques années après l'an 2000. Pourtant, on ne voyait pas voler d'automobile. On se nourrissait pas de pilules à part de Prozac. Surtout la nouvelle gamme au goût bacon armagnac. De mon côté, j'avais de nobles activités. Je dessinais l'avenir de l'humanité. J'entretenais la croissance, la consommation, en construisant des portables ou des télévisions. Mais moi, ce que je voulais, c'était monter aux moucherottes, partir dans la montagne et regarder les marmottes, refaire le monde en beaucoup moins stressé, et apprendre enfin à le partager. Je voulais arrêter les samedis au supermarché, en survêtement devant le rayon surgelé. Mais je n'ai jamais réussi à me décider, la photo promo sur les cacahuètes lyophilisées. Jean-Pierre Gaillard venait de partir à la retraite, mais ses disciples nous prenaient toujours la tête. La planète entière tournait autour de la finance. Le bonheur c'était le consulting en sous-traitance. Le Dow Jones, le CAC 40, les taux d'intérêt, l'humeur d'Alan Greenspan et de Jean-Claude Trichet. Sur des bandeaux en bas de nos écrans défilés, pendant que TF1 nous lobotomisait. Mais moi ce que je voulais c'était monter aux moucherottes, partir dans la montagne et regarder les marmottes, refaire le monde en beaucoup moins stressé, et apprendre enfin à le partager. Je voulais arrêter les samedis au supermarché, en survêtement devant le rayon télé. Mais je n'ai jamais réussi à me décider, à rater la journée 50% sur les idées. Combien de nuits, de soirées ai-je pu passer à réfléchir, à cogiter sur que faire après, à chercher des idées pour me recycler après avoir quitté le monde dit civilisé. À un moment, je pensais à bosser dans le bois. Il y avait bien termites, mais ça ne m'emballait pas. Ou faire pousser des chèvres dans un coin reculé. Mais les people de la ferme risquaient de débarquer et je cherchais. Je cherchais à longueur de journée pendant des années, et un beau jour j'ai fini par trouver. Mais maintenant tout va bien, car avec quelques potes, je me suis lancé dans l'élevage des marmottes. On part dans la montagne les regarder, et quand elles hibernent, parfois les border. C'est fini pour moi les samedis au supermarché, et mon survêtement, je l'ai donné. Ça ne me manque pas trop les réductions à la caisse, sur les petits pois en paquet de 12 au prix de 13. Et maintenant tout va bien, car avec quelques potes, je me suis lancé dans l'élevage des marmottes. Mais comptez pas sur moi pour les vendre aux enchères, elles resteront à jamais sur leur terre. Mais maintenant tout va bien, car avec quelques potes, je me suis lancé dans l'élevage des marmottes. Je me suis lancé dans l'élevage des marmottes. Je me suis lancé dans l'élevage des marmottes.